Comment dis-tu ça? Mais c'était écrit noir sur blanc. Cette vache dont son maître l'avait laissé attacher à côté du poids public, affaire d'aller prendre une rincette au café voisin. Ça fait quoi, ma bête en train de regarder ici, puis là? Ah, c'est que ça est curieux comme des courants d'air, ces bestioles. Surtout depuis qu'on a cette race vaudoise pure. Tiens, la vache vaudoise a un caractère à soi. Oh là là là là, c'est le caractère, pauvre ami. D'abord, elle s'en croit, faut voir ça. Oh là là, moi j'ai un peu fleuri, il a toujours l'air de vous dire, il n'y en a pas comme nous. Nous ne penserons plus quand on les a habitués. Mais c'est le Zigli qui me disait. Zigli? Ouais, ce grand qui a repris la ferme au Charbin. Il vient de l'Oberland. Ah oui, je vois. Ah, il me disait, quand pas rien de toi, vos vaches vaudoises. On m'avait tant dit qu'elles sont laitières et tout, rien de fait. J'avais pourtant acheté des bêtes de premier choix à gros prix. Pouf! À peine s'ils me faisaient leurs 18 litres par jour. C'est minable, en effet. Est-ce qu'il ne sait pas les soigner ou quoi? Eh que non! Seulement l'explication, il l'a eu depuis. Voilà qu'un samedi soir, il était un peu en retard pour la traite. On va te satire rapidement qu'il se perce. La première va bien, comme d'habitude, la seconde aussi. Mais la troisième, une crouille bête qui n'avait rien valu jusqu'à ce jour. La voilà qui se met à remplir le saillant. 13 litres d'une traite qu'elle y fait. Encore qu'il a arrêté parce qu'il avait le pouce qui enflait. Pas possible. Comme je te dis. Et vous savez pas pourquoi? M'étonne. Eh bien, tout simplement. Moi, je n'en croirais pas un mot parce qu'il ne l'avait pas certifié. C'est parce que la vache a tendu l'oreille et qu'elle s'est mise à écouter la radio chez le pneu qui reste en face. Ah? Et la radio donnait de la musique classique ou quoi? Non, mes amis, c'était le quart d'heure vaudois. Et tout ce qui les offusquait, ces bêtes, c'était que les Zigli leur causaient en allemand. Alors elles retenaient leur lait. Puis ce soir-là, de réentendre pour une fois causer correctement, les voilà débordées, et qu'elles te lâchent tout ce qu'elles avaient retenu depuis des semaines et des semaines. Oh, c'est que ça a sa fierté, c'est bête. Mais c'est tout de même curieux, parce qu'enfin, cette fierté, ça n'a rien de typiquement vaudois. Ah, ça vous pouvez le dire. La moitié est trop modeste comme n'est. Oh, que rien que d'y penser des fois, ça me fait chagrin. Santé, syndic. Santé. Ah, à notre bonne santé, messieurs. Et alors, caviste, votre vache devant les affiches. Oh, pardieu, oh, j'étais là que j'oubliais. Non, cette bête qui s'ennuyait, en arrive à regarder les affiches électorales qui étaient collées contre le mur en face d'elle. Voilà qui te s'appelle. Votez pour ceux qui ont sauvé la patrie à maintes reprises. Votez pour ceux-là qui la sauvent présentement. Et pour ces autres qui grommillent la sauver à leur tour. Juste. De cette bête qui se trouvait un peu à jeun, on y avait juste donné une petite léchée pour lui faire prendre patience. Ces affiches, ça mettait en appétit. Hey, c'est qu'elles sont alléchantes. Diable, c'est pas l'embarras. Un coup de langue au travers et voilà tout un port d'affiches qui disparaît pas le mort. Seulement, toute vaudoise qu'elle était, Il lui manquait l'expérience de ces sortes de choses. Ça fait qu'il n'a pas su qu'avec cette littérature-là, il faut se veiller de ne pas tout absorber à la fois. Elle a tout brouté. De A à Z. Les peintres et quelques candidats y ont passé avec programme, promesses et tout le tremblement. Eh bien, elle aura de quoi ruminer pendant le reste de la journée. Ma fille, probable. Ce qui est sûr et certain, c'est que le soir, elle gonflait. Ah, tiens, moi, je n'aurais jamais cru que ces programmes, ça était si nourrissant. Eh, mes amis, il y a longtemps qu'on sait qu'on y met à boire et à manger. Nourrissant, pas nourrissant, cette vache crevée dans la nuit. Eh ben, ce qui prouve qu'on a beau se croire plus malin que les autres, la sagesse, c'est quand même de se mêler de ce qui nous regarde. Ça me rappelle l'histoire de cette réunion que mon père me racontait. C'était du temps où on avait la manie des réunions par les villages. Comme si ça avait été toute l'année campagne électorale, sauf qu'au lieu de politique, il s'agissait de tout au monde. Un monsieur débarquait de par Lausanne et puis nous déballait une conférence, comme quoi on vivait dans l'inconduite, que le temps approchait, où on se transformerait en statue de sel. Comme qui dirait le grain de sel qui prendrait toute la place. Oui, tant qu'à peu près. Mais justement que ce soir-là, il s'agissait de la tempérance. Et le monsieur de Lausanne, qui en avait plein la bouche du mot scientifique. Oh, de ce côté-là, ça n'a rien tant changé. Bref, il avait des masses d'expérience dont il tirait des conclusions. À dont il leur dit, figurez-vous, mes amis, qu'un jour j'ai eu la curiosité de mettre un âne devant deux baquets, l'un rempli d'eau et l'autre rempli de vin. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais cette sympathique bête, qui savait beaucoup mieux que les hommes où se trouvait son bien, et qui n'était pas aveuglée par la passion, cette sympathique bête, dis-je, a bu le baquet d'eau et n'a pas touché au vin. C'est-tu vrai, ça? Ah, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le père Othiolu, hein, qui ne se souvenait pas d'avoir vu un poteau droit sans devoir fermer un œil, le perroquet, lui, il fait depuis le fond de la salle. Ça prouve, monsieur le conférencier, que le créateur avait encore vu joliment juste quand il y avait mis des grandes oreilles à cette sympathique bête-là. Ce de perroquet, en ce qu'il était pendable, cet individu. C'est de lui qu'on raconte qu'une fois il était allé par Lausanne faire une virée sous le prétexte de visiter son garçon qui était sur les trams. Ah oui, c'est pas vrai, il y a un frère Othiolu qui était contrôleur. Oui, il est mort jeune, voilà, tantôt 10, 12 ans, enfin bref. Othiolu va en visite, sa belle-fille met les petits plats dans les grains, et puis après souper, le fils part pour reprendre son service. Othiolu, assis dans un fauteuil en moquette avec cette petite femme en face de lui qui causait pointu et puis qui cherchait des sujets, ça le démangeait de s'en aller, vous pouvez penser. Ça fait que sur les 9h, il y a sa bru. Voyez-vous, nous, à la campagne, on n'a pas l'habitude de rester dedans. Me faut aller faire un tour. Oh, si vous voulez, mon père. Mais prenez la clé. Ah, diable, c'est sûr. Il prend la clé, l'essaye, puis s'en va. Parce que c'était bien la première fois qu'il avait à se servir d'une outil pareille pour rentrer chez soi. C'est dans le temps au village, on poussait le loquet, puis tout était dit. Une pinte, deux pintes, trois pintes, un changement d'air complet, quoi. Et puis toujours avec cette inquiétude de cet outil pour pouvoir ouvrir la porte à rentrer. Minuit, une heure, tout se ferme. Voilà mon Othiolu devant la porte d'entrée. Plus qu'à moitié méché, comme il convient. Il commence à essayer la serrure. Rien de fait. Cette clé n'en voulait pas entendre d'entrée, pas de trou. Chouette, mon Othiolu est en train d'ennégrener un vocabulaire. Il va jusqu'au fin fond de la rue. Les volets claquaient comme en plein ouragan. C'était des jurons qui rebondissaient sur tous les pavés. Heureusement qu'arrive son fils qui venait de rentrer son tram puis qui se ramenait du côté de son lit. Allô, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Ma voix, mon fils, avec vos complications. Mais papa, tu as bu? Moi, pauvre. Moi, que rien. Deux, trois petits verres. Il fait d'un cru par Lausanne, le soleil couché. C'est toutes ces rues qui se croisent, qui doivent faire courant. Alors, qu'est-ce que tu t'agnasses avec cette porte? Puis, qu'est-ce que tu tiens à la main? Ouais, c'est pour ouvrir. Mais voyons, papa, tu vois bien que tu as bu. C'est pas la clé que tu essayes de mettre dans la serrure. C'est un pipe. Alors le Othiolu qui voulait sauver la façade, il dit en se tentant les poches, « Pardon, je le sais bien que c'est ma pipe. Mais l'affront, c'est que la clé, diable me brûle si je l'ai pas fumée par mes gars. » Ah, je ne suis pas très sûr d'ailleurs que la méprise soit arrivée au père Othiolu. Parce que cette histoire se raconte aussi ailleurs, sous d'autres noms. Oh, c'est ma foi bien possible. On ne prête qu'aux riches. Ces histoires-là, bien malin qui oserait se baffer des avoir trouvés tout seul. Et puis c'est comme de tout dans la vie. Quand il se commet une mauvaise action, tu ne trouves pas facilement à qui en mettre l'étiquette. Mais les autres, hein? D'abord pendant ces périodes d'élection. Et on jurerait que tu étais candidat, tu en as plein la bouche. Par Dieu, on nous en a assez fait de refaire pour que ça passe effet. Eh bien, prenez l'ancien Conseil national. Par Dieu, bien sûr qu'ils ont travaillé comme des anges et tout. Personne ne dit le contraire. N'empêche qu'il va bien s'être glissé parmi quelques petites cavilles, des bêtises de rien du tout. Ouais, des gaffettes. Voilà, voilà, des toutes petites gaffettes, comme vous dites. Eh bien, moi qui ai appelé toutes ces proclamations, je n'en ai trouvé nulle mention. Pas un seul de ces partis qui est venu nous dire, vous vous souvenez ce jour-là où on s'était fourvoyé, hein? Eh bien, c'était nous. C'est humain. Mais justement que c'est humain. Alors pourquoi vouloir à tout prix cacher que nos députés sont des hommes? Si c'était des anges, il me semble que ça se saurait. Enfin, l'essentiel, c'est que tout soit terminé. Eh bien, terminé. Pour tout le monde. Bon, après tout, presque. C'est ce qui m'amuse toujours en pareil cas. Les jours avant, ces gaillards-là s'agitent qu'on jurerait que le monde en dépend. Et puis le lendemain, les voilà tous à turler de bonheur, tous victorieux, tous contents, jusqu'à ceux qui n'ont rien pu du tout, qui se déclarent encore déçus en bien. C'est essentiel. Mais pour en avoir le fin mot, il faudrait peut-être pouvoir se mettre dans la peau des candidats. Oh, alors les candidats, je crois que ça leur fait un rude soulagement de pouvoir dormir deux, trois soirs tranquilles. J'en voyais un l'autre soir, qui avait causé au chef vieux de cercle. On a mangé un morceau, puis il avait l'air cassé. Taisez-vous qui me fait. Voilà 15 jours que je ne déparle pas. J'ai la tête tout en temps. Alors, reprenez une tasse de ce saucisson que j'y fais, ça vous remettant. Sans ça, vous finirez par vous dégoûter de la politique. Me dégoûter de la politique, je ne sais pas si ça irait jusque-là qu'il me répond. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si ça dure encore une semaine, je me dégoûterai bel et bien du saucisson. Eh bien, celui-là m'est avis que le lendemain du vote, il n'a pas attendu les résultats pour se mettre au régime blanc. Là-dessus, indique que si vous nous en chantiez une. Oh, d'accord. Alors, voilà une toute vieille, hein. Après ces périodes d'éloquence, ça fait du bien de se ressentir sur le plancher des vaches. Demain, vous savez, moi, j'ai pas la voix ce soir pour chanter ces vieilles chansons de sorte. Non. Il faut laisser ça à ces baritons, là, quand je sais qu'on fait mes enfants. À vos dents mieux, je vais vous faire passer un disque. Oh. J'ai de grands bœufs. Pour voir corne noire, reposer les oeufs des oiseaux. S'il me fallait les fondre, j'aimerais mieux m'abandonner. J'aime Jeanne, ma femme, et bien j'aimerais mieux. Zadig, conservation. À votre bonne santé, messieurs. Oui, on est quand même des ingrats. Ah oui? Puis c'est de ce soir que tu t'en aperçois? Entre autres, mais je pense à ce brave 42 qu'on est en train de boire. Voici un père de moi, on le buvait avec attention. On le sculptait, on le voyait venir, on l'appréciait. Maintenant aussi ou quoi? Oui, mais distraitement, on ne lui accorde même plus un mot de consolation. C'est déjà venu un vieux. Nous voilà tous au futur nouveau. Ben, pardon. Va-tu, ce bourru? Va savoir. D'ici 2-3 samedis, on va pouvoir lui dire deux mots avec profit. Pour l'instant, il faut le laisser bourronner tranquille. Mais, dis-moi, Zadig. Y pense. Es-tu sûr que la chanson que tu viens de nous faire entendre n'est pas un brin révolutionnaire? Comment dis-tu? Ben, révolutionnaire. Ces deux grands bœufs tachés de roux, hein? Ça a été juste le modèle admis par le département de l'agriculture. Eh bien, à première vue, ouais. Bon, ça serait des Suissois ou des Oberlandais que ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Du temps donc date la chanson, on n'avait pas encore notre race à nous. Il faudra te renseigner, Sandic. Il y a des jaloux par le village qui te guettent. Vois-tu ça qu'un rapport arrive au département comme quoi un syndic dont le civisme n'a jusqu'à ce jour subi aucune atteinte se permettrait de chanter les louanges d'une race de bœufs non subventionnée par le canton? Ça serait du joli. Tu serais frais et le village avec. Parce que la race vaudoise est obligatoire. Et vous, Régelin, vous avez déjà entendu causer de quelque chose d'officiel qui ne soit pas obligatoire? Oh, évidemment pas, non, mais... Comme je n'étais pas au fait... C'est ou bien, si vous avez une vache non patentée dans l'écurie, Bernique pour les concours et les subtides. Et au fond, c'est du racisme pur et simple. Ben, là, oui. Oh, mais j'avais pas pensé. Mais c'est que c'est bien ça. Ah, d'accord, mais il ne faut rien pousser au tragique. C'est comme ton histoire de l'âne qui ne buvait pas de blanc. Ça ne veut rien dire pour les hommes. Il y a peut-être comme ça des théories... qui ne sent pas si sotte quand on les applique aux bêtes à cornes. Oh, comme tu dis, après tout. La vérité a toujours un côté plus ou moins élastique. Mais ça n'empêche que pour ce chant, il te faudra te renseigner. Mais non, t'es toujours pareil, et comme ça, un chant du répertoire ou quoi? Mais non, monsieur, mais on peut le modifier. Pourquoi faire? Ben, je ne serai pas le premier. Je dirais même que depuis quelques années, c'est devenu une sorte de manie. Oui, oui. Moi, quand je veux apprendre un chant à mes gosses, eh bien, je dois d'abord les préparer à la maison, pour être sûr qu'il n'a pas trop chargé ou changé depuis la dernière édition. Ils en décroient ou quoi? Non, mais ils sont réharmonisés. Les paroles sont modernisées, la mélodie est améliorée. Oui, de sorte qu'on ne s'y reconnaît plus. Tant qu'à peu près. Je vous garantis que si tout le village, enfants, adultes et vieillards, voulait maintenant chanter encore, un chant tout simple comme « Sempac » ou « Salut glacier sublime », ah, ça donnerait une cacophonie formidable. Chacun chanterait sa version. Ben, c'est bien dommage. Ouais. C'est peut-être pour ça que les jeunes préfèrent chanter « Je suis seul ce soir avec ma peine. » Ou bien « C'est un vagabond qui est joli garçon. » Ah oui, comme ça on ne risque pas la cacophonie dont parle le régime. Chacun chante la sienne dans son coin, puis tout le monde est content. Parce que cette manie de la nouveauté est des fois répilante. Il semble qu'il faille à tout prix tout changer. Comme tu disais un soir, mon papa était paysan. Moi, je suis agriculteur, et mon garçon a bien des chances d'être agronome. Non, exactement le même métier. Bien entendu. Ah, que voulez-vous? On ne peut rien changer les choses. Il y en a que ça distrait de bouleverser le vocabulaire. Ben, grand bien leur face. Seulement, tout de même, ça va un peu fort. Savez-vous ce que c'est qu'un alpicole? Un alpicole? Oui, ni plus ni moins. Ah, attends, ouais, il me semble que j'ai entendu ce mot aux dernières nouvelles. Je me suis pensé que ce serait une maladie, enfin, Dieu sait. Ben, ça prouve que tu n'entends rien au latin. Parce que toi, tu le sais, quoi. Non, mais moi, je me suis renseigné à bonne source. Un alpicole, c'est un paysan. Pas possible. Un agriculteur, si tu préfères. Mais qui cultive des champs situés à l'altitude, dans les Alpes. Comme qui dirait un hormonin. Les hormonins sont des alpicoles, parfaitement. Et ils n'ont pas réclamé? Apparemment pas. Ben alors ça, c'est encore le pire. Eh bien, la première fois que j'entends dire qu'on ait pu crier des noms à ces gaillards des hormons sans recevoir une mornifle, la race s'abattardit, faut croire. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant. Ou peut-être aussi qu'il y aurait trop de mornifles à distribuer par le monde. Ça les aura découragés. Mais ce serait le cas de dire que l'agriculture manque de bras. Et qui a inventé ce nom bizarre? Eh bien, c'est... Silence, Cavis, silence. Ne réponds pas au régent, il est en train de se payer ta tête. Mais pas du tout. Ah non? Alors je vous plains. Parce que moi, qui n'ai pourtant pas fait d'études, j'ai tout de suite compris qu'une invention de ce calibre ne pouvait provenir que d'une office fédérale quelconque. Votre jugeote serait-elle en dessous de votre réputation? Bon, j'accepte la leçon. Santé, monsieur le syndic. Et sa rancune. Bah bien, ce réserve. N'empêche que ça fait chagrin de penser que si un Guillaume Tell revenait aujourd'hui, il devrait se dire alpicole. Mon pauvre café, il n'y avait que ça de changer. Mais si Guillaume Tell revenait, tu ne le reconnaîtrais pas. Tu vois, hein? Comment est-ce que tu te représentes ça, toi? Le plus simplement du monde. Il aurait commencé par faire un plein avec un comité d'initiative. Il aurait voté des masses de résolution, puis à force de faire, il aurait bien et bien obtenu un subside du Conseil fédéral. Quant à son homonyme dont parlent les livres, il le traiterait d'énergumène. Et Gessler dans tout ça? Gessler? Eh bien, l'aurait nommé inspecteur du contrôle des prix. Et puis le pire, c'est qu'au bout de quelques mois, on l'aurait mis à la retraite pour manque d'énergie dans l'exercice de ses fonctions. Ah, vous avez ce soir du monde une idée un peu discornée, syndic. C'est le foie qui vous chicane? Non, la patronne est de bonne humeur ces jours. On a tellement l'habitude du monde renversé. Diable. Ok, vous m'y faites penser avec votre monde renversé. La savez-vous, celle qui est arrivée au grand biclan de Rovenin, l'autre jour à Lausanne? Moi qui grillais de vous la raconter. Mais comment veux-tu qu'on la sache? Si on n'avait pas toi pour nous relier aux mauvaises langues du Quintan, on serait privé de conversation depuis des années déjà. Ouais. Eh bien, le gaillard, je vous raconte ce qu'on m'a dit. Il était parti pour Lausanne dans l'idée d'acheter un fauteuil pour son papa. Il se fait vieux, puis son idée, c'était d'avoir de quoi s'asseoir à la chambre. Et il n'avait pas la patience d'atteindre celui du Conseil d'État pour ses 100 ans, quoi. Faut croire que non. Ça fait que le grand biclan, c'est un charcutier. Il prend sa camionnette qu'il a outillée depuis la guerre avec la chambre à lessive derrière le conducteur. Et puis loin, départ. Il trouve un joli fauteuil. Le marchand et lui l'assujettissent à la camionnette derrière. Tu vois ça, n'est-ce pas? Et le voilà reparti. Naturellement qu'il a des connaissances par Lausanne. Ce qui fait que de pinte en pinte, c'est un peu plus tard que minuit quand il se décide à ramoder. Il met le moteur en marche. Comme toujours dans ces cas-là, il s'en trouve un de ses copains qui le rappelle pour lui raconter la toute dernière. Il cause un moment sur le trottoir. Puis pour finir, on se quitte. Et puis mon biclan se trouve seul avec son auto. Un peu obscurci, étant donné l'heure avancée, conformément au règlement. Une demi-heure après, passe une agent de police qui se dit « Mais, qu'est-ce que c'est que ce moteur qui ronfle tout seul dans la nuit depuis un puissant moment? Diable !» Et il se rapproche. Il regarde devant l'auto sur le siège. Personne. Il fait le tour et il trouve mon biclan en train de dormir, tout son sou, sur le pont arrière, bien installé dans le fauteuil au grand-papa. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, que fait le biclan en réveillant sursaut? Oui, c'est pas des manières que de dormir en pleine rue, et encore avec ce trou d'or que fait votre moteur. Oh, excusez-moi, monsieur l'agent qui fait le biclan. N'avez pas idée de dormir? Alors quoi? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder comme moi, figurez-vous que ces poisons de gaillard. Et puis tout en causant, mon homme faisait des revanches avec ses deux bras, comme s'il cherchait quelque chose dans la nuit. Figurez-vous que ces poisons de gaillard ont inventé de m'enlever mon volant. Alors ça, elle est bien bonne. Et puis comme l'agent ne savait pas s'il devait rire ou se fâcher, le biclon y ajoute. C'est pour ça que je resterai là jusqu'au jour. Sans ça, il serait bien capable, couille comme je les connais, de venir me cacher les restants de la voiture. Diable, Henri. Tonnerre, c'est que tu as raison. Quelle heure est-il écrit sur ton ordre de marche? Oh, moi, c'est verbal. Mais ça n'en est que plus sérieux. Allez, au revoir, caviste. Je le régère, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et dans 15 jours, à la même heure. Le syndic ne vient-il pas? Oui, je l'ai rencontré il y a un moment. Il avait du reste l'air tout délicat. Oh, le voilà. Salut, caviste. Bonsoir, cher. Bonsoir. Comment vous va? Comme le diable à la descente, pas toi? Non, ma fille, je sais pas ce que je séjourne, mais ça ne va pas. Des douleurs ou quoi? Non, pas même. Des lourdeurs comme ça. Et puis comme une fatigue. Enfin, je n'ai plus point de geste, quoi. Je me traîne ici et là comme un domestique qui a décidé de changer de place. Ah, allez, vous faut consulter. Ouais, pour consulter. Ah. Ouais, je suis déjà assez mal ficelé comme ça. Et si vous faisiez un peu de régime? Régime, espèce de fou, bah, du régime. Est-ce que vous y croyez encore? Eh, mon Dieu, à l'occasion. Pas moi. Quand je vois ce qui se passe par le monde, en a-t-on essayé des régimes ces dernières années? M'étonnerait qu'on s'en porte mieux qu'autrefois. Le malade dit, c'est la meilleure des médecines. Mais dis-moi, syndic, je me demande si ce n'est pas cette maladie qu'on a tant causée ces jours derniers. Laquelle? Est-ce que tu te sens comme un peu angoissé? Oui, tout juste. Avec l'idée que les choses s'arrangent mal. Mais voilà, jusque dans les plus petits détails. À croire que les poutres m'attendent dans les coins pour me ramper dessus quand je passe. Plein de bleu que je suis. Ouais, je vois ce que c'est. Mais ça va passer, va, ne t'inquiète. C'est saisonnier, ce qu'on dit. Ah ouais? Mais qu'est-ce que c'est? Bien sûr que je n'en sais rien de précis, mais d'après les signes, ça ne m'étonnerait pas tant que ce soit la psychose de novembre. Caillon, hein? Et malhonnête avec ça. Et pourquoi? N'est-il pas cette maladie des perroquets que les journaux en parlaient voilà un paire d'années? La psychose, ne pas confondre. Oui, oui, mais tant mieux, allez, hein? Ouais. Oh ben fais pas cette tête, syndic. En tout cas, moi, pas question que je te mène à la cave ce soir. Mon bourru serait dans le cas de devenir neurasthénique. Oh, ça, je ne crois pas. Le syndic serait gai avant que le vin devienne triste. Ce sera cette conférence qui t'aura rebouillé. Ah, mais c'est vrai que vous y étiez. Pardon, mais tu ne crois pas si bien dire. J'en suis sorti dans un état, mais jamais. Ah, c'était pourtant intéressant. Enfin, peut-être bien, seulement moi. J'étais assis droit derrière la Louise au boulanger. Elle t'a crié des noms, quoi? Pire. Je comprends que son homme, il se regarde pas droit. Vous savez, il a toujours l'air de ne pas oser vous regarder en face. C'est vrai, ça. Et alors? Mais quand on se tient une femme comme ça à la maison, pauvre ami, ça n'est pas une femme, c'est une énervante. J'étais droit derrière elle. Elle avait mis son chapeau urf, là, avec une grande plume de coq ganguillée au coussin, pointe en l'air. Naturellement que cette plume me bouchait toutes les projections lumineuses. Quand le conférencier t'explique les pyramides d'Égypte, et que tu ne vois que la plume à la Louise, ben ça te brouillait les idées. Puis comme on était cougnés les uns contre les autres, pas même je ne me retirais de côté. Là que je me contente de tendre un peu la tête à gauche. Elle m'a voilà, toc, ma Louise en sursaut, comme si j'y avais planté une aiguille dans le bras, et voilà sa plume qui se penche à gauche. Bon, je tends la tête à droite. Là voilà Romé qui se trémousse, qui porte la tête à droite. Et cette plume qui se remet devant moi. Oh. Et ainsi de suite pendant toute la conférence. Elle avait-il roqué? Paraît pas, mais elle est toujours ainsi, est-ce que m'a dit ma femme. Moi, je l'avais jamais même regardée, tu sais. Mais les femmes, là, est-ce que c'est? Ils ont plus vite fait de découvrir les défauts de leur voisine que d'énumérer les qualités de leur mari. La Louise, qu'elle m'a dit. Elle a tellement l'habitude de dire non à tout que même quand elle ne cause pas, elle fait le geste. Ah, ça fait que vous avez attrapé le torticolis. Oh, si ça n'était que moi. On était donc là à faire des conversions, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand je m'aperçois que le conférencier commence à être inquiet, il me regarde avec un drôle d'air. Probable qu'il se pensait que j'étais en train de faire des niches à la Louis. C'est pas pour me regarder. Il était bien forcé de dodeliner aussi de la tête, sans ça, assis qu'il était à la table, la plume me cachait. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je voyais mon gaillard qui faisait des à droite, à gauche, comme à l'école de recrue. Probable même sans en apercevoir. Ah, bien sûr que non. Et forcément que toute la salle qui buvait ses paroles s'est mise peu à peu à branloter dans la même cadence. Ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure, ça n'était plus une conférence. Tu aurais juré une séance de rythmique, comme on nous en fait faire au service. De s'y balancer et à vous donner le tournis. Et puis tout ça à la cadence de la plume de coq à la Louise. Je vous garantis que j'étais content que ça finisse ce carousel. Sans ça, je ne répondais plus de rien. Oh, alors, il n'y a pas besoin d'expliquer plus longtemps. Ça t'a tourné le sang, et puis c'est bon. Ouais. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas plus bas que ce pauvre Piquin. Là, tu te souviens? Eh oui, là, quand il allait mourir. Quand ça? Ah, oh, c'était droit au début de la guerre, mais tu te rappelles, on avait ri, on a ri. Non, je ne me rappelle pas. Oh, probable que j'étais au service. Alors, il était mourant, le brave homme? Il était plus que mourant, il était mort. Ça avait commencé comme le syndic, des malaises. Faut dire que lui, il a passé sa vie à se soignoter, n'est-ce pas? Il se tient toujours une maladie dans un coin de sa personne. Il aime ça, lui, ça le rend intéressant. Quand il lit la feuille, il regarde les annonces de remède avant les nouveaux. Bref, il se sentait tout moindre, le voilà qui part à la consulte. Il revient avec des airs écouessés. Ça y est qu'on se pince. Voilà le Piquant qui s'est trouvé une nouvelle maladie. Ça ne rate pas. Le voilà qui commence à se détailler avec des mots tout frais appris, puis des petits airs d'attendre qu'on le plaigne. C'est le diabète qui fait. Ah ouais. Ah ben le docteur le dit. C'est grave. On ne sait pas au juste, il faut que je lui envoie une bouteille pour l'analyse. Voilà, voilà, qu'on fait avec des airs pensés que naturellement personne n'aurait osé lui dire que ça lui était égal. Ouais, surtout qu'une fois, il finira bien par en avoir une vraie maladie. Ce qui fait qu'on n'a jamais tant se moquer. Seulement où ça s'est gâté, c'est deux jours plus tard. Il était retourné vers le docteur, puis rentre le soir, mais jaune comme une reine étanant. avec des petits points rouges parmi, où il n'était pas beau à voir, on aurait du naps. Qu'est-ce que se passe, Piquant? Parce qu'alors, cette fois, on commençait à le voir sérieusement atteint. Il y a que je suis foutu qui nous fait d'une voix de fantôme. Allez, dites pas de bêtises. Ratiboisé, fendu, moulu qui refait. J'en ai pour une semaine, pas plus. Nous de le voir dire ça avec cette tête, et puis après ça te vider son verre d'un trait, on était bien aussi un peu pâle, n'est-ce pas? C'était le coma diabétique. Le coma? C'est comme ça que ça se dit. Bien sûr que ça doit être grave avec un nom comme ça. Et alors? Alors il nous a expliqué comme quoi il avait un sucre formidable. Il te chiffrait ça à un centimètre cube. Nous, hein, n'est pas les chiffres. Et les jours suivants, je vous garantis qu'il a mené rondement ses affaires. Il a fait son testament. Et dimanche, qui est-ce qui était à l'église au premier bain? Le Piquant. Ça pourrait revenir, mais enfin, cette fois-là, ce n'était pas si grave qu'on aurait cru. Non, parce que quand il préparait sa bouteille pour l'analyse, il avait pris une vieille bouteille à sirop qui n'était pas la veille. Comme c'était du sirop d'avant-guerre, ça faisait une ration de sucre que le docteur n'avait jamais rien vu de pareil. Il leur avait dit... Le troisième jour qui suivra la pleine lune, il y a des chances. Tous ces hommes, bien entendu, faisaient à celui qui n'en croit pas un mot. Mais tous marchaient au pas de gymnastique. Comme de juste. Afin qu'ils arrivent au bord du bois, le bosson les aligne ici, là, de 10 cm. Puis ils attendent. Et les femmes? Les femmes, elles avaient trouvé un prétexte pour se réunir à la cure. Ouais, une histoire de vin, enfin, Dieu sait. Mais enfin, il s'agissait de se tenir les coudes. Oh, on comprend ça, Anne. Et alors? Alors? Ils ont guetté jusqu'à passer minuit. À ce moment, le bosson leur a fait « C'est trop tard, on en revenir à la prochaine lune. » Puis ils sont rentrés au village. Pas fier? Non, pas trop. Mais le moins fier de tous a été le père Boitin, qui étant syndic et garçon, avait donné l'exemple en prenant la tête de la colonne avec ses deux domestiques, et qui le lendemain matin avait pu se rendre compte que si le fantôme n'était pas dans la forêt, une bonne vingtaine de quarterons de poire curée qu'il avait sur deux beaux arbres derrière chez lui avait bel et bien disparu pendant la nuit. Oh, alors ça, c'était monté de 20 mètres, alors. Et qui donc les avait prises? Allez savoir. En tout cas, pas le bosson, puisqu'il était avec eux. Mais le cafetier avait dit quelques jours plus tard que pour la première fois de sa vie, il avait vu ce vieux changer un billet de 20 francs. On n'a jamais su comment il s'y était pris. Jamais. Oh, il n'était pas bête, le gaillard. Que même tout le village se crevait de rire quand on se mettait à parler de poire. Parce que lui, le bosson, il disait « Oh, les poires, c'est des fruits de femme, c'est moire. » Moi, il me faut du qui rappe le coup. Ah, c'est tout de même invraisemblable que des hommes puissent consacrer leur vie à boire. Comment dites-vous ça? Ben, je veux dire, ne faire que ça, comme si goûtiez, c'est affreux. Oui, ma foi, oui, il doit y a plus rien à avoir de plaisir. Hein, si on veut seulement, je me demande si ce n'est pas eux ce qui sont dans le vrai. Ah, ben, tout de même. Écoutez voir, monsieur le président. Vous savez que ma femme a inventé de quoi s'acheter un canari. Le joli bestiau qui gambade dans sa cage. C'est agréable comme tout, puis ça meuble la cuisine. Ah, et alors? Eh bien, le marchand qui la lui a vendue a dit que canari, ça mange en un jour la valeur de son propre poids. Hein? Comme je vous dis. Mais t'es qui pèse 50 grammes, n'est-ce pas? Il mange pour 50 grammes. Alors ça, de manière que moi, je devrais manger pour 94 kilos par jour. Parfaitement. Quelle belle vie ça ferait. C'est vrai ça, moi j'ai souvent pensé, on fait chemin manière pour organiser un banquet, on se lèche les potes d'avance, puis pouf, on n'est pas depuis une heure et demie à table qu'on est bien en avant rassasié. Le plaisir est trop court. Ben, c'est pour ça qu'on le prolonge artificiellement, en buvant. Probable. En tout cas, moi, je me dis que bien souvent, on nous accuse d'exagérer, de trop manger, de trop boire. On est encore bien modeste. Et quand je vois ce canari qui passe toute la sainte journée à trafiquer entre son manger et son boire, je me dis qu'après tout, tout le temps qu'on consacre au travail, ça pourrait bien être en toute définitive du temps qu'on va le manger et puis au boire. De manière que pour vous, c'est goûter comme on en voit. Serait plus près de la nature. Voilà, dès qu'il aurait passé à côté de la civilisation. Eh bien, au moins, vous êtes encourageant. Il est payé. Il m'a apporté de l'argent ce matin sur les 11 heures. Tu te fiches de nous, quoi. Oui, et le raisin est plus fin que toi, il a compris tout de suite. Tu t'attendais à ce que je te dise du mal du temps, c'est ça t'intéressait, oiseau de malheur. Tandis que comme ça, on finit pour le bien de tout le monde, tu trouves que mon histoire ne vaut pas d'être racontée, comme si ça n'était pas beau, une histoire d'honnête homme. Tu es bien le même que les autres, toi. C'est un route de caviste, hein? Bon, c'est le régent qui m'a agacé en me traitant de pessimiste. Je me suis pensé pessimiste. On va te leur appliquer la preuve tout chaud, comme un cataplasme sur une enflure. Et que l'abcès a bien crevé, je vous a garanti. Et je te parie que ça indique que tu vas pas te retenir d'avoir sommeil pour raconter cette histoire à ta femme. Tandis que si j'avais pu y dire que le tonse va faire discussion, vous en auriez bien eu jusqu'à 2-3 heures à raisonner là-dessus. Santé, sale langue, va. Santé. Conservation. Jérémy. Ah, mais c'était même pas pour cette petite démonstration que vous m'attendiez avec tant d'impatience, non? Ah, diable! C'est qu'en cause de l'école. Oui, des programmes scolaires. Vous aussi? Et pourquoi pas? En effet, pourquoi pas? Pourquoi diable seriez-vous les deux seuls hommes du canton de Vaud qui n'aient pas leur programme de réforme scolaire tout près dans leur poche, hein? C'est vrai, Jean. Depuis le temps que des fonctionnaires nous envoient des signets pour nous dire à nous paysans comment il faut s'y prendre pour cultiver notre domaine, ça serait bien le moins que nous en viennent au secours des ceux qui travaillent de la tête, hein? Un pour tous, tous pour un. Moi, je sors pas de là. Bien dit. Et alors, qu'est-ce qui vous tracasse, au fond? Eh bien, contrairement à ce que vous croyez, moi, je me demandais si on ne faisait pas beaucoup de raffus pour rien. C'est une question que je me suis posée quelquefois, moi aussi, figurez-vous. Mais qu'est-ce qui vous amène, voyons? Je sais pas, j'ai entendu causer de ça au grand conseil, en cause de programmes, de méthodes, d'individualité, de culture générale, enfin Dieu sait. Et quand on s'apprend par ce bout, ça impressionne. Seulement, j'ai fait hier une petite expérience pratique, comme le caviste, quoi. Qui fait que je voudrais avoir votre avis. C'est bien mercredi, Régent, que vous avez été visiter ce château d'Oran. Mais oui. Et pourquoi? Non, c'est moi qui vous demande. Pourquoi? Mais parce que, n'est-ce pas, dans les nouvelles instructions, nous demandent de consacrer un après-midi par semaine à du sport ou à des sorties. Alors là, j'ai fait les deux à la fois. Une grande balade et une visite de château qui ne pouvait être que très instructive. Mmh. Et vous leur avez sans monter dans les détails. Mais autant que possible. Et avec les noms latins, les siècles, puis tout. Enfin, si vous le voulez, en passant. Mais pourrais-je savoir quel examen je suis en train de subir? C'est que voilà, je me suis trouvé hier avec le gamin au pédier. Il est bon élève. Oh, très, oui. C'est le premier son de grec. C'est ce que je me pensais, oui. Alors, manière de causer, j'ai demandé... Dis donc, c'était joli, cette sortie. Oh, oui, qu'il me fait. C'est un rude intéressant. Il est beau, ce château, hein? Le château qu'il me fait? Que château? Ah, oui, je me rappelle. Et en me disant ça, il avait un reflet dans l'œil qui n'avait rien de commun avec le Moyen-Âge. Ça fait que je l'ai un peu questionné sans avoir trop l'air. Savez-vous ce qu'il a retenu du château? Je sais. Que pendant que vous donniez des explications, puis il n'a pas dit comme ça, notez bien, il a dit, pendant que le régent nous faisait sa refeinte. Alors lui? Lui? Eh ben, il a pu embrasser dans le cou la fille au loyon de la poterie. Que même c'est la première fois qu'il embrasse une fille, ce qu'il m'a dit. Ça y a fait un de ses effets, pauvre ami. Depuis ce moment, le roi n'est pas son cousin. Eh bien, tant mieux pour lui. Ça porte malheur des fois. Croyez-vous que quand le département vous a fait inventer ses promenades du mercredi, il avait dans l'idée que ça servirait à ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Oh, alors quand même. Puisque tous les auteurs de programmes se tuent à répéter que l'école doit être une préparation à la vie, eh bien, pourquoi pas? Ce qui fait que, selon vous, si on avait eu de votre temps les programmes d'aujourd'hui, vous ne seriez pas resté garçon? C'est un côté de la question auquel je n'avais pas pensé. Ah, il m'estomaque ce raisin ce soir. Il n'y a pas plus calme que lui. Ça vous fait pas plus d'effet que ça, tout ce raffut qu'on mène autour de vos écoles? Non, messieurs. Voyez-vous, l'affaire dans ces questions pédagogiques, c'est que la plupart, enfin, je ne dis pas tous, je dis la plupart des théoriciens ont sur nous, les maîtres, un avantage incontestable. Ils n'ont jamais eu l'occasion de diriger une classe. Alors, n'est-ce pas, ça leur permet de conserver l'illusion qu'il suffira d'un article nouveau dans une loi pour modifier le caractère des gosses, celui des maîtres, celui des parents. Enfin, tout, quoi. On est bien avant d'accord tous les deux, raisin. Tandis que nous, mon Dieu, si on nous dit que les élèves profitent des nouveautés pédagogiques pour se faire des niches ou autre chose, pendant que nous avons les yeux ailleurs, ça ne nous étonne pas du tout. C'est tellement dans l'ordre des choses. Parce qu'enfin, vous, quand vous alliez à l'école, il vous arrivait aussi de cajoler vaguement votre bon ami, non? Non, ben moi pas tant, non. Mais oui, bien, tu te rappelles. J'ai eu presque toute la classe comme bon ami à l'école. Ça me faisait une occupation. Et j'ai eu bisqué en te voyant. La seule que j'ai pas eu comme bonne, comme on disait, je crois bien que c'est celle que j'ai mariée pour finir. Vous la gardiez pour la bonne bouche. C'est-à-dire que je n'aurais jamais osé y demander. Avenante comme un manche de fouet qu'elle était à l'école. De rester pris dans les gonfles avec des temps comme ça. Les chemins de fer pourraient bien faire l'effort de nous rendre à domicile. Oh, pardé, il y a bon longtemps que je le dis au chef de gare. Mais avec ces fonctionnaires, ça est en coûteux, c'est affreux. Surtout qu'on ne demanderait pas que le train nous arrête devant toutes les maisons. Voilà. Mais qui nous laisse devant le café, puis après on s'arrangerait. Ça s'est-il bien passé par Lausanne? Oh là oui, vous savez ce que c'est qu'une assemblée. On a approuvé le rapport du comité, on a approuvé le comité, le gérant, le vérificateur des comptes, approuve que je t'approuve. On nous aurait présenté la loi d'impôt qu'on aurait approuvée par la même occasion, à main levée. Et ce banquet, ça était-il bon? Bon. Au moment de prendre le train, il y en avait encore plein d'empoisonnés. Ça fait qu'on n'a pas à se plaindre. Ouais, tout ce qui entre fait vent. Pardive. Il y avait des filets de perche au beurre. Au beurre? Une bonne pâte de beurre. Pas un de ces beurres fiers qui ont peur de se mêler au monde, non. Un beurre qui n'avait pas d'idée préconçue contre l'huile de coton. Un beurre démocrate, quoi. Tout juste. On m'a fait au jour d'aujourd'hui ces banquets. Si ce n'était que l'affaire de ce qu'on y mange, je n'en tournerais pas la main. Ouais, on mange bien mieux chez soi. Au fond, on y va par habitude. Oui, puis on sait plus que ça. Tenez, on avait ce nouveau gérant. On nous l'a présenté à l'assemblée. Il était là, raide comme un piquet, empesé, pire que son plastron. Allez voir juger un homme dans ces conditions. Il était juste bon à empailler puis à mettre au musée, tandis qu'après une heure, deux heures autour d'une table, mon gaillard prenait joliment figure humaine. Au dessert, il avait gagné son procès. Hey, c'est comme les poissons, quoi. Il était plus digeste qu'au beurre, hein? Du reste, Régent, si vous voulez connaître un homme, il faut d'abord commencer par manger avec lui. Oui, c'est là que les hommes montrent ce qu'ils sont. Vous en avez de ceux qui se précipitent sur leurs assiettes comme des cochons dans la mangeoire. S'ils osaient, ils y mettraient les pieds. Ils t'agaffent leur mangeaille qu'on aurait envie de leur installer un monte-charge pour qu'ils aient plus d'avance à engloutir. Puis vous les voyez qui ne pensent qu'à une chose, être les premiers à se resservir. Vous pouvez leur causer, vous pouvez leur demander de vous passer le sel. Bernic, ils mangent. Il faut attendre jusqu'à ce que tout soit poli, qu'ils se soient essuyés les moustaches, récurer les dents et tout, pour s'apercevoir qu'il leur reste un filet de voix qui se fraye un passage à travers la nourriture. Eh bien, ces gens-là, voyez-vous, c'est régulièrement des points gaillards, des égoïstes. Tandis que les bons compagnons de table, c'est souvent des bons compagnons dans la vie. C'est en tout cas ce que je me suis souvent remarqué. Alors, mon grand-père nous disait déjà, propre à table, propre à l'ouvrage. Et c'est rude vrai. C'est pour ça que ces banquets, mon Dieu, qu'on y mange de ci ou de ça, moi je trouve que ça met bien du liant dans les relations. On se sent les coudes. Au propre comme au figuré. C'est probable pour ça que tous ces jeunes des unions chrétiennes tiennent ces banquets ce soir. Ah, c'est les unions chrétiennes? J'ai rencontré le fils Gringet et le jeune bâtard en grand dimanche. Ils ont réunion ce soir? Et leur centenaire, paraît. Ah oui? Ah. Ils se réunissent, comment ça? Dans toutes les communes de la Suisse, oui. Pour une fondue, un pique-nique, enfin peu importe. Pour se trouver ensemble, quoi. Oh, ça n'est pas du goût de tout le monde. La vieille Isaline qui graissait. Et mon Dieu qu'elle disait, comme si nos jeunes n'étaient pas assez portés à aller banqueter, encore les obliger à ça sous prétexte de religion et patati et patata. Oh alors, l'Isaline, on la mettrait un jour au paradis qu'elle y aurait déjà découvert trois scandales. Trois sujets d'affliction, comme elle dit. Des femmes comme ça, quand elle m'a parlé trois minutes de la vertu, j'ai envie de me mettre cambrioleur par simple esprit de contradiction. Eh bien moi, voyez-vous, ça me fait plaisir de penser que toute cette jeunesse est réunie ce soir, comme ça. Voyez, Réjean, c'est comme je vous disais, pour se serrer les coudes et apprendre à se connaître, manger ensemble entre honnêtes gens. C'est plus ça que les grimaces et puis les momeries à l'Isaline. Allez, respect. Santé. Conservation. Ah. À votre bonne santé, messieurs. Dis donc. À propos de femmes, j'en ai entendu une bien bonne par Lausanne ce temps-là. Ah oui? Alors vas-y. Ça se passe à une de ces terrasses de café, comme il y en a en ville, avec des jolies dames qui boivent le thé, et puis des messieurs qui se rafraîchissent en passant. C'est une rue où passent des dames en brinque-ballant, comme ils font toujours. Ça fait qu'un gaillard arrive, puis voit un couple assis à une table. Salut, salut. Et alors, tant que je t'ai pas vu, d'où sors-tu? Je viens de mon voyage de noces. Je présente ma femme. Oh, enchantée, madame. Là-dessus, révérence, génuflexion, un tram qui passe, puis le bruit étouffe le restant des phases. L'ami s'assied, puis regarde la nouvelle mariée. Au bout d'un moment, passe un tram, ça fait qu'il profite du bruit pour dire à son ami à l'oreille, « Dis donc, ta femme, elle a une perruque ou quoi ?»« Oui, que répond l'autre, que veux-tu? On ne peut pas tout avoir. Je suis moi-même pas tant beau. » Bon, repasse un tram et remet l'ami qui se penche. Dis voir, ta femme, elle a une œil de verre ou quoi? Oui, que veux-tu? On ne peut pas tout avoir. Bon, voilà, au bout d'un moment de silence, jusqu'au prochain tram. Dis donc, ta femme, n'a-t-elle pas une jambe de bois? Oui, oui, que veux-tu? C'est comme je te dis, on ne peut pas tout avoir. Mais t'impatiente pas, il viendra déjà. Voilà donc à 10. Le chiffre d'affaires. L'impôt sur le luxe. L'impôt fédéral anticipé. Ça fait 13. Restons-en là. C'est un bon chiffre. Vous aimez le chiffre 13? N'êtes pas superstitieux. Moi, jamais. J'aime mieux avoir 13 francs que 12 et 13 impôts que 14. Bien dit. Et puis alors, vous allez tout ça ramasser en boule, puis arriver à une impôt unique. Et ce serait une excellente solution. Ah ben moi, je me méfierais, parce qu'on commencera par l'impôt unique, et puis mes gaillards goinfres, comme je les connais, seront dans le cas d'oublier de tracer les autres sur la liste. L'unique deviendra bel et bien 14e. Dis-là, où en êtes-vous? Eh ben, on est tout dit. Et savez-vous d'où ça vient, ces impôts? Ah non, de quoi? Ça vient de ce qu'on a trop de liberté. Pardon? Elle dit trop de liberté? Parfaitement. Ah, bon, tout ça peut être vrai. Je me suis laissé dire que du temps qu'on était commandé par les Bernois, il n'y avait qu'un seul impôt, la dîme. La liberté, ça coûte bon. Ouais, ouais, enfin, c'est pas ce que je veux dire. N'est-ce pas, c'est bien joli d'avoir écrit le mot liberté dans la devise. Mais le résultat, c'est que notre canton est bel et bien en train de sombrer dans une anarchie dangereuse. Pas possible. Ouais, comme je te dis, on a bien des administrations, des gendarmes, un gouvernement et tout. Mais ce n'est qu'une façade, c'est un émiettement. Dans la réalité, on est épouvanté de voir combien il y a de choses que le premier citoyen venu peut faire sans même obtenir une autorisation de la commune. C'est le désordre sur toute la ligne. Oui. Eh bien, mon ami, on va pas se fâcher, mais je dois te dire qu'il y a 3 ans, j'ai voté pour toi pour la dernière fois. Non, mais écoutez-moi, ce crelet, parce que ça, il s'indique, ça voudrait que la commune marche au commandement, c'est une maladie. Écoute, graviste, prends simplement la semaine qui vient de finir. Tu as travaillé? Par Dieu, bien sûr. Tous les jours? Bien obligé. Oh, eh bien, dans tout ce commerce que tu as fait, combien as-tu demandé de permission à l'État? Moi? Voyons voir. J'ai demandé la ratification du contrôle des prix pour une vente de vin. J'ai demandé une permission pour du sulfate. J'ai demandé une autre permission, je ne sais même plus laquelle pour l'huilerie. C'est tout? Mais t'as vu. Eh bien, c'est dérisoire. Mais dites-moi, monsieur le syndic, je voulais justement passer un séjour par votre bureau. Peut-être qu'on pourrait s'arranger sur le pouce. Mais bien sûr, mon ami, qu'y a-t-il? Eh bien voilà que fait Galino. J'ai comme ça idée de me naturaliser. Mais vous êtes malade, Cholet, que fait le syndic. Comment voulez-vous vous naturaliser? N'êtes-vous pas vaudois? Et justement, monsieur le syndic, je voudrais me naturaliser étranger. Étranger? Ouais, anglais, allemand, français, enfin, ce que vous voudrez. Je ne suis pas regardant. Vous comprenez, depuis le temps que je suis vaudois, ça commence bel et bien à me peser. Cholet, que fait le syndic qui connaissait son homme? Vous avez quelque chose derrière le bonnet? Pas plus. Seulement, puisque monsieur le syndic est assez bon pour m'écouter, je me disais comme ça que depuis le temps que je passe devant cet hôpital, il me faisait naturaliser étranger, on finirait bien une fois par m'inviter à visiter la cave. Oh, bien dit alors. Oui, mais je pense qu'après cette sortie, il n'a même pas eu besoin de commencer les démarches. Ah ouais, non. Quart d'heure après, le syndic et Galino continuaient la causette à couder contre une fusse. Ça valait. N'empêche qu'il y a une idée qu'on pourrait proposer au Conseil d'État de... Voyons... n'est-ce pas par Fribourg qu'ils ont décidé de faire passer une visite à ceux qui veulent se faire suivre? Une visite médicale? Non! Une visite, quoi! Une examen, comme vous dites. D'instruction civique, paraît. Oh, si ça faisait au favert, ça leur donnerait des idées à tes candidats. Si tu veux. Mais moi, ces examens, ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qu'on leur demanderait à ces gars-là? Oh, des choses très simples, je suppose. Des choses élémentaires. Le nom des 7 conseillers fédéraux. Ouais, vous le savez, vous. Moi, quand je les cherche, je suis jamais fichu de dépasser 6. Il y a peut-être un siège vacant. Tonnerre, voyez-vous ça que les partis politiques ne s'en soient pas aperçus. Mais on leur demanderait le nom du président du Conseil d'État, le nombre des membres du Conseil national, les compétences du tribunal fédéral, un aperçu des principaux articles de la Constitution fédérale. La date de promulgation de la dite constitution. Vous le savez bien, oui. Par Dieu, on ne sait que ça, 1800 et quelques. Oui, environ. N'as-tu pas l'impression que ce régent est en train de devenir impertinent? On m'étonnerait encore pas. De nouveau, ça n'est pas une marchandise à mettre dans les mains de ceux qui ont un petit affaire à main. Ça les fait venir crouille. Non, moi, ce qui m'inquiète, ça n'est pas tant notre régent, ouais. Il est bien brave à ses moments perdus. Mais ce que tu t'aimes, de ton vent, on sera bientôt obligé de se tenir chacun régent dans son ménage. Ouais. Ah oui, ma foi. Examen de ci, examen de ça, certificat, diplôme, capacité, tout. On n'en sort plus. Supposition que je raconte un de ces jours les 3 Suisses du Grutli en train de boire un verre au Guillaume Tell. Je leur dirais... Mes amis, c'est le moment que vous reveniez. Vous aviez eu dans l'idée de nous faire un joli pays et tout. Eh bien, on est bel et bien en train de nous le transformer en une société pédagogique et rien de plus. Instruction civique, pas comme si ça s'apprenait dans les livres. Ah, serait-ce là. La naïveté fait homme. Moi, j'ai une fois été avec un de Genève à une séance. J'ai dit, faites un demi de Saint-Saf. Pour que me réponds, moi le Saint-Saf, enfin, versez-moi un demi-verre, histoire de trinquer. Eh, va bien. Seulement 5 minutes après, c'était bien lui qui avait niflé tout le demi. Ils sont comme ça. Et avec le lax du même, quand ils auraient réussi à nous le pomper. Adieu Luc, pour le revoir. Ouais, on a risqué gros, allez. Mais enfin, tout danger est écarté. Oh, je crois bien que oui, mais on a eu chaud, je vous en garantis. Donc, quand j'arrive pour les grandes manœuvres dans mon escadron, il n'y a presque que des gens de la côte. J'ai bien vu que ça bourmait. Les gaillards étudiaient la carte. Vous êtes fous que je leur fais sur la carte du canton de Genève. Ce n'est pas là qu'on manœuvre. Justement, comme on fait avec un regard noir. C'est ce qu'on leur reproche à nos chefs. Ah, que je fais. Pour les laisser venir, n'est-ce pas? Ce serait pourtant facile qu'il recommence. On tourne l'enclave de ses lignées pour ne pas donner l'éveil. Une fois cernée, l'enclave tombe comme une poablette. Et vers les minuit, une heure, ben on leur tombe sur le coton, la craque. Avec ce rationnement, on ne risque même pas une assiette de soupe au gru par le portrait. Surtout que leurs gendarmes sont tous des baudons. Alors, ce moment-là, mes hommes croyaient qu'ils avaient été mobilisés pour ça, mais Bernic, c'est bel et bien dans une autre direction qu'on a commencé à se déplacer. Quelle crève de cœur ils ont eu. Et quelle journée on a passé. Une nervosité à couper au couteau. Et pire, mes gaillards n'ont-ils pas fait la grève de la faim? Ah ça alors, c'est terrible. Affreux, tu avais les hommes de la roulante qui se traînaient à leurs genoux. Vous ne voulez tout de même pas nous faire cet affront qui vous avait les larmes qui leur giclaient? Rien de fait. Mes hommes stoïques, sans un mot, ils tournaient la tête. Moi, ça me faisait mal. Heureusement qu'ils avaient tous un paire de boutefas dans leur sac et qu'ils pouvaient s'arranger en cachette. Ça les soutenait un peu. Mais quand même, le geste y était. Hein. Un soir, je les trouve qui venaient d'écrire une pancarte comme sa longue et comme sa large, comme celle qu'on porte dans la société, tu sais, au concours de la cantonale des chanteurs. Ça est mis dessus. Genève ou la mort. Arrête, ça n'est quand même pas des poules mouillées. Non, j'ai dû le leur cacher. T'as bien fait, faut éviter les histoires. Mais il m'a fallu la ressortir, ils l'ont exigé. Pour la porter dans le rein. Forcément. Et qu'est-ce que ça a donné? Oh, par chance, on s'en était servi par mes gardes pour marquer les poutres tout à soir. Comme ça, elle était plus montrable. Ça a été un esclandre. Moi qui avais toujours cru que les vaudois étaient des calmes, j'étais non plus. On les voyait, ces hommes, mais vous savez, prêts à faire couler le sang. Oh, quand même. Oh, presque, un souffle révolutionnaire. Puis si on avait eu les moindres bastilles sous la main, je vous en garantis qu'elles ne faisaient pas long. Ces hommes se ruaient contre, sans accorder même une pensée de regret à leurs femmes et à leurs enfants. Mais le plus grand moment, c'est quand même, ça t'arrive vers nous un gros galant qui se trouve être un genevois. Ah oui, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Ça. Épouvantable, ça a été la goutte qui a fait déborder. Ah oui. On va y dire ce qu'on a sur le corps que fait un. C'est entendre ça qui rajoute un autre. S'il ne repart pas en courant, à moi la peur. Vous êtes fou que je leur fais un gradé, mais c'est un gradé. Pas question, prends la position, rien de plus. Comme tu dis ça, ça me fait un de la côte qu'on y dit, le grève. Prendre la position, moi j'aimerais mieux périr sur place, oui. Et des vilaines raisons à n'en plus finir. Je vous dis, ils étaient comme fous. Voilà l'officier qui s'approche. Moi j'étais malade d'angoisse, on savait que mes gaillards n'aillent pas faire un esclandre. Et alors? Vous auriez dû voir ce froid que ça a fait. Le grève, je le regardais du coin, de quoi de l'œil, et ses moustaches branlaient. On a passé l'une de ces minutes, mais vous savez, terrible. Et il y a parti. Ma fille bien obligée. Et personne n'avait rien dit. Bien sûr que non, tu ne voudrais pas quand même. Et heureusement, parce que le soir, le grève nous a tout dit. S'il avait dit à l'officier, s'il n'avait pas voulu éviter des histoires, je vous garantis que c'est envoyé. De A à Z, il a tout entendu, puis n'a pas empipé le mot. Enfin, puisqu'il n'était pas là. Bien sûr, mais s'il avait été là, ça aurait été de même. Enfin, je suis quand même bien content de savoir que ça n'a rien donné d'irréparable. Non, mais c'était le fait moment qu'on nous démobilise. Enfin, il paraît que pour le lac, ça va s'arranger. Ça, c'est quand même su, cette vague de mécontentement. Et puis, il faut faire attention. Enfin, au fond, moi, c'est ce que j'aime chez les Vaudois. Que quoi? Ben, cette énergie qui risque toujours d'exploser, mais qui n'explose pour finir qu'en dedans. Ah ouais. Vous voulez prétendre qu'on a de l'énergie que dans le mort, je vous vois venir. Pas du tout, surtout pas. Seulement j'ai remarqué ça à l'école. Au fond, chez nos élèves, les plus insoumis ne sont pas les plus turbulents, au contraire. Tenez, le fils Gampler. Gampler? Ah, Gample! Si vous voulez. Le gamin au mot de sec, quoi. Voilà. Eh bien, ce gosse jure comme un païen. Il ne peut pas dire une phrase sans y ajouter deux, trois vilains mots. J'ai tout essayé. Il est d'une docilité extraordinaire, il dit « Oui, monsieur », et puis il recommence. Comme si j'essayais de me rattraper une planche sabonnée. Ce qui fait que l'autre jour, j'en avais assez de la manière douce. Alors je me dis « Vas-y carrément, qu'il s'en souvienne ». Et je lui fais copier 50 fois la phrase « Un garçon bien élevé ne dit pas de vilains mots ». Bon. Le lendemain, il arrive avec sa feuille. Je regarde, je compte. Il l'avait écrite 100 fois au lieu de 50. Mais pourquoi donc, lui dis-je, as-tu doublé la punition? Alors le gosse me répond calmement, sans la moindre intention mauvaise. Ma foi, monsieur le régent, quand j'ai eu voulu commencer, je me suis dit, nom de ça, est-ce que c'est 50 ou 100 fois que cette charrette de régent m'a dit de copier cette poison de phrase. Et j'aime autant préciser que j'ai quelque peu adouci les termes. Et c'est ce qui me semblait, parce que s'il avait dit charrette, je me serais pensé que la punition avait déjà été fait son effet. Eh bien, c'est un vrai vaudois. Mais non, il nous l'a dit tout tranquillement. Vous comprenez que nous a fait un soir. Il y a des jours que je me sens seul comme ça, sans femme à la maison, avec les années qui commencent à passer. Alors comme ça, je me fais l'effet d'avoir des parents, des amis, et même une bonne amie par le monde. Ah, ça c'est de la philosophie. Mais, et de la vraie, Régent. Parce que c'est comme il disait, avec ce système, je suis bien certain que ni ma bonne amie, ni mes parents ne me feront jamais la moindre courrier. Et il n'y en a pas tant qui peuvent en dire autant. Mais puisque nous parlons de ce Divico... Oh, les oreilles doivent lui sonner ce soir. Savez-vous que certains historiens affirment qu'il a bel et bien gagné la bataille de Bibrac et que ce sont les Romains qui l'ont perdu? Pas vrai. Ah, je n'étais pas. Mais cela prouve à quel point il est difficile d'écrire l'histoire. Oh, ça ne prouve rien du tout, à mon avis. Et ça ne change rien à ce qu'on nous a appris à l'école. Voyons, Caviste, on a toujours appris qu'il avait été tendu, après qu'ils ont dû revenir en sort. Parce qu'on n'allait pas au fond des choses. Moi, je vois ça ainsi. Ces Helvètes sont donc allés contre un là. Ils ont remporté une puissante victoire contre les Romains, supérieurs en nombre. Après quoi, ils sont revenus en sat, au piano, sans être dérangés dans leur mouvement. C'est des choses fréquentes dans l'histoire, ça. Santé. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Moi, ça me fait penser à ce faux. Et mon Dieu, lequel? Il y en a tant. On en cause dans les journaux, ces temps. Allez, dis-nous son nom. Mais je le connais pas, ce gaillard qui est devenu fou, en conduisant sa locomotive en Angleterre. Ah bon? Ah, ça ne doit pas être amusant de se trouver dans le cadre de ces voyageurs. Oh, après tout, on fait encore bien des histoires pour rien. Ça va encore mieux quand c'est le mécanicien qui déraille. Et quand c'est le train? Oh, pardon, il n'y avait pas changé. C'est vrai que c'est encore assez fréquent dans les trains. Bon, veux-tu bien te taire, moi qui dois aller à Lausanne la semaine prochaine? Oui, oh, ça n'est pas toujours aussi dangereux. À propos, pareil qu'autour du Nouvel An, le Bouette est allé faire visite à son garçon qui est en Suisse allemande. Savez qu'il est allé à Lausanne prendre le direct. Il entre dans le train, une de ses cougnées, comme on en voit ces dernières années, épouvantable. Plutôt que le Bouette, ce n'est rien pour lui de trouver à poser ses pieds, c'est plutôt à mi-corps qu'il faut de l'espace. Alors, alors voilà qu'il fait quelques kilomètres, et il repasse devant Lavaux, il traverse le tunnel, et l'employé du train arrive. C'est dommage que lui fait l'employé. Vous auriez dû aller en première. Oh, moi je veux bien. Oh, c'est trop tard, qu'il lui répond. J'y ai déjà installé deux militaires. Comme ils avaient l'air fatigués, je leur ai dit de se coucher sur la banquette, puis j'ai coté à clé qu'on ne vienne pas les déranger. Ça, c'est très gentil. N'est-ce pas? Mon Bouette était tout attendri. Mais alors, où il a fait des yeux comme ça, c'est quand l'employé dit « Voyons, monsieur, vous avez payé 29 francs. Ça fait que je vous en redois 14 francs 50. »« 14 francs 50? Ouais, la moitié. » Vous avez payé pour être assis, tandis que vous voilà debout, inconfortable et tout. On n'est pas des voleurs. Oh, tu te payes notre tête, syndic. Mais parle-moi du monde. Il n'y a pas un mot d'exagéré dans ce que je vous raconte. Même que l'employé est parti en disant, voyez-vous, à quelque chose malheur est bon. Avec ce monde qu'on a dans les trains, que jamais on a fait des recettes pareilles, on va au moins pouvoir baisser le prix des billets. Paraît que c'est pour le mois d'avril. 30% de réduction, plus des petits arrangements pour les indigents. Le revoilà devant son guichet en train de se frotter la moustache avec sa manche. Il passe à 3 heures. Je voudrais des pneus. C'est pourquoi, monsieur? C'est rapport à la pompe. Comprenez, je suis chef des pompiers. Vous devez me connaître, Mafelon. Vous n'avez qu'à demander dans le canton. Le gros Mafelon, comme dit. Bien, monsieur. Est-ce pour une pompe neuve? Non, monsieur. C'est pour remplacer des pneus usagés. Guichet 943. Bon. 800-900-940-1-2-3. Voilà les guichets cherchés. Il y a 5 personnes devant. Il est 4h moins le quart. Ça ira tout juste que ce personne de Mafelon. À 4h15, le voilà à main. On me dit, m'appelons, puis je viens pour cette histoire de pneus. C'est donc des pneus usagés pour une pompe à moteur de village qui récite tout d'un trait. Bien, monsieur, remplissez ce formulaire, s'il vous plaît. On lui donne un grand papier rouge. Mais que fait le m'appelons? Pardon, excuse, je l'ai déjà rempli. Comment? Quand ça? Vous savez bien, je vous ai bien écrit deux fois. Ah, vous avez déjà présenté votre demande, que fait l'employé. Alors c'est une toute autre histoire, il vous faut vous adresser au guichet 47, c'est au rez-de-chaussée. Mais rez-de-chaussée, gauche, 11e porte après l'escalier, que précise l'employé, à mon m'appelant qui restait bouche ouverte. Et c'est là que ça s'est arrangé. Parle-moi du monde, les guichets ferment à 14h30. Et m'appelant est rentré bredouille. Bredouille est satisfait parce qu'il me disait, pour les pneus, je n'ai rien obtenu, c'est en ordre, mais mon pauvre caviste. Si tu voyais cette organisation, ça te passerait l'envie de critiquer, je te garantis. Moi, j'en suis encore sous le coup. Mais... Je me demande d'ailleurs s'il est vraiment urgent que notre pompe ait des pneus neufs. Oh, ça, c'est difficile à apprécier. Oh, les vieux ne doivent pas être autant usés ou quoi? On n'a pas eu tellement d'incendies depuis quelques années. Oh, si avec que les incendies passent, mais voilà, on s'en est un peu servi aux vendanges. Oh, ça n'est pas tant régulier, mais... On fait comme on peut. La pompe au vendange? Mais non, pas la pompe, les roues. Le m'appelant m'avait demandé. Et si elle était en mauvais état, ça fait que, hein, moi, j'ai dit, c'est toi pas la responsabilité, ben, vas-y. C'est comme ça des choses qui ne sont pas tant prévues dans les règlements, mais on peut pas dire qu'elles soient mauvaises. Ah, les règlements ne peuvent pas tout prévoir. C'est du reste ce que le tien t'a fait remarquer aux exercices de la garde. Quels exercices? Non, ça fait déjà quelques temps. Quand la garde locale avait fait ses grandes manœuvres. Oh, alors ça avait été une heureuse journée. Ceux qui voyaient clair le soir, ça prouvait bel et bien que c'était des gaillards solides. Gros travail. Oh, je pense bien. Moi, le matin, je me réveille en attendant du bruit. Je vais à la fenêtre, rien. Mais alors, une odeur de schnick qui est entrée dans la chambre. Mélanie, je fais à ma femme, n'as-tu pas entendu dire que la distilleuse allait venir au village? Bien fou qu'elle me réponde, ce n'est pas la saison. En tout cas, ça empoisonne la distillation. Bref. Je m'habille, je sors, cette odeur me saute quand. Ça n'était pas le marc, plutôt la goutte. J'entends les relais vers le pontet, j'y cours. En place du coquemar du diable, c'était bel et bien la garde locale, alignée du deux reins. Pas aller voir ces hommes, rubicons, satisfaits, puis empoisonnant la goutte qu'ils avaient avalée pour déjeuner, histoire de se donner du mental. Même qu'une mouche qui a passé droit devant la bouche au putu est tombée raide. Un rayon de soleil là-dessus, le village fricassé. Que bref, Mornade, je vais apporter le lait, puis au lieu de rentrer, le voilà qui boit un verre, et puis deux, et puis trois. Deux, trois yasses par là-dessus, lui qui n'a pas tant l'habitude. Le voilà bien avant obscurci quand il rentre à la maison. Trouve sa femme au lit. Alors, tu t'es couché? Oh, ah oui, j'étais mal bien tout le jour, et puis... Tu regardes l'heure? L'heure? Oh, il doit être 8-9 heures, non? Et le pouce, il vient de frapper la demi de 10 heures. C'est possible, enfin. Tu m'as pas laissé la moindre des briques pour souper ou quoi? Ce n'est pas que j'ai bu, mais à jeun, hein, ça fait effet. Je n'aurais pas dû m'occuper de toi sous l'an. Mais bonne comme je suis, j'y ai passé quand même. Va dans le four. Tu trouveras des macaronis, puis un restant de hachis sur une assiette. Bon, mon Nadze va comme elle a dit, il rapproche son fourbi qui est encore tiède dans le four. Et puis il mange. Il revient vers sa femme pour se coucher. Elle était encore ce souper. Ouais. Mais ton hachis, il était ma foi rude fade. Fade? Allons donc, c'est toi qui t'es gâté la bouche. Tu ne pourras pas te faire du hachis au kirsch pour te faire plaisir. Les cochons refuseraient les restes. Ben, ça alors, puis tout a dit. Et bien alors? Alors, c'est le lendemain que ça s'est expliqué. Quand sa femme a voulu se lever pour allumer le feu, elle regarde dans le four, sur le potager, et la voilà qui se met à rire. Mais à rire! Les voix qu'elle lui crie! Tu le trouvais fin de ton hachis hier soir. Ouais, et il m'a pesé sur l'estomac toute la nuit. Eh bien, moi, qu'à le fait, je l'avais plutôt trouvé trop chaud. Une autre fois, tâche de rentrer pendant que je suis encore debout. Ça t'évitera de manger mon cataplasme en place de hachis. Il avait mangé son cataplasme. Ouais. Elle s'en était fait un pour se dégorger. Elle avait reposé cette farine de lin sur une assiette. Et puis, mon Nad, qui n'avait pas tant sa tête, a confondu avec le hachis. Quelle mischion. Même pour un soulon, c'est mal fait. Moi, il me semble que j'ai ce goût dans la bouche. Ah, alors faut boire un verre, Jean. Santé. Conservation. Et à dans 15 jours. À la meilleure. Salut, Kavis. Salut, Saint-Dick, comment tu vas? Oh, bon, comme le diable à la desserte, et puis toi? Je me sens comme ça, un peu courbu. Des lourdeurs. Pas même des douleurs, pour dire, non? Mais, comme qui dirait, je commence à m'apercevoir que je suis fait en os. Par Dieu, tu ne voudrais pas qu'on t'aille faire un ersatz ou quoi? Non, ma foi, n'empêche qu'un âge, il y a où on commence à se sentir les jointures. Hier soir, je revenais de foussoyer, j'ai passé devant mon armoire à glace. J'ai été quasiment étonné de me voir comme ça, tout recouvert de rondeurs. Je m'attendais à voir un squelette comme ces photos rayon X qui nous vont à l'hôpital. Ah, que veux-tu, c'est le trait du monde. J'ai chez moi un superbe canapé qui était ma foi tout neuf à mon mariage. Eh bien, il est bien un peu comme toi quand je m'assieds dessus sans faire attention. Il sent bel et bien le bois. Et puis ce prêtre qui nous joue chaque fois la même farce. Quand on voit ce soleil qui revient tout pâle qu'il est, ses taconnets qui s'accrochent au bord des chemins, ses primes verts et tout, on se croit chaque année que nous voilà revenus jeunes. J'avais une de ses avances à l'ouvrage ces jours, c'était formidable. Mais c'est que c'est le soir que l'âge reprend ses droits. En fait, parle. On n'a plus 20 ans. Bon, ben, ce qui est fauché, ben, c'est le cas de le dire. Oh, voilà le régent. Lui ne vieillit pas. Les gaillards secs comme des bristles, ça se conserve comme si ça était fumé. Je sens que vous êtes en train de m'étriller. De mauvaises langues. Oh, pardon, monsieur. Vous dites? Est-ce que dans les programmes de réforme scolaire, il est compris la suppression de la politesse ou quoi? Ça ne m'étonnerait pas. Dans le cas que de saluer, ça risquerait de surmener les jeunes. Au jour d'aujourd'hui que les gens se sentent fatigués avant de sortir de leur berce. Compris. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, raison. Et que racontiez-vous avec vos airs finaux? Rien. Non, le caviste me disait que vous aviez un peu vieilli ces temps. Ah, vous trouvez? Oh là oui, oh, rien de grave, non, mais vous vous voûtez un peu. Ouais, et puis, cette fausse graisse, là, sous les yeux, comme des poches, vous n'avez pas ça remarqué? Que oui, mais il fait son coquet, et puis le cou. Vous êtes joliment dégarni depuis 2 ans que vous voilà au village. Charrette, quel âge avez-vous, juste? 57. 57, ouais. C'est quand même déjà un âge, 57. Voilà. Oh, le printemps vous s'arrangera. Vous vous sentez pas mal, non? Ouais, oh, mais pas du tout. Non, quoique ces jours... Ah, ces jours... Oui, je ne sais pas, non, des pesanteurs comme un poids à la tête. Alors, et puis des bourdonnements dans les oreilles. Vous croyez? Oh, c'est à vous de savoir. Eh bien, je n'y avais pas pris garde, non. Mais après tout, oui, il se pourrait bien que... Ouais. Faut faire attention. Ouais, il nous faut arrêter, parce que si on continue, on va ma foi être obligé de vous faire transporter à l'infirmerie sans elle. As-tu vu ce régent jaunir? Oh, on est bien tous les mêmes. On fait les malins, mais il n'en faudrait pas tant pour qu'on se fourre au lit avec une cruche et des cataplasmes. Ah, santé, régent. Conservation. Ah, votre bonne santé, messieurs. Eh bien, tout bien compté, je crois qu'on aurait eu meilleur de finir de l'étertir, ce régent, pendant qu'on y était. Oh, comme tu y vas. Je prévois qu'il va nous enquiquiner avec des affaires officielles. Cette enveloppe jaune que vous avez là, hein? Vous avez deviné, ce sont des insignes. Ah, pourquoi faire? Pour le 14 avril. Oui, on nous demande de les vendre par le village. Ouais, comme toutes les années, pardi. Eh bien, vous devriez faire l'office. Et croyez-vous que je sois bien placé pour quêter? Oh, mais... pourquoi pas? C'est intéressant, vous savez. Oh. Une fois, il y a eu, c'était l'année passée, pardieu, que j'avais envoyé mon garçon. Il en est revenu cramoisi de rage renteille. C'est que les gens peuvent être peignettes quand même, qui m'a fait. Il avait été bien reçu. Alors, hein? L'Henri à Isaac, hein, avec ses 60 poses, il y a fait... C'est combien vos affaires? Il y en a 50 centimes et des 1 franc. Ah oui? Ben, mettez-moi une à 50, il a fait. Et puis il a rajouté, c'est encore bien raisonnable de faire une différence entre les riches et les autres. C'est pourquoi tout cet argent qu'a demandé le poète. Pour les malheureux, qu'a répondu mon garçon. Les malheureux, vous allez voir les malheureux. Quand je pense que sur une portée de 11 cochons, il m'en est crevé 5 en une semaine, il faudra encore que je m'occupe des autres. Pas possible. Ouais, comme je vous dis, Elisaline qui piaillait. C'est-il pas malheureux? D'un côté, on nous prêche l'économie, et de l'autre, on invente tous les jours quelque chose pour nous obliger à éparpiller notre argent. Oh, l'éparpille pas tant, Elisaline, hein, ne t'inquiète. Comme disait mon père, c'est le rhumatisme qui l'emportera, elle a déjà une raideur à la main qui donne. Ouais, ça fait que c'est intéressant, Régin, hein, vous y allez. Ouais. Parfait, parfait. Moi, vous savez, ça me fera une balade. Et puis, c'est vite vendu. Avec 4 qui sont déjà partis. Ben, déjà commencé. Non, non, mais c'est tout comme. Nous disons, voyons, une pour le syndic, et un pour sa femme, un pour le caviste et pour la femme. Comme vous y allez, vous. Alors, ça pour du bourme, c'est du bourme. Ou bien, si vous en voulez à 50 centimes. Il se revanche de ses bourdonnements d'oreilles, ce malin. Eh, hein, pour les femmes, c'est bien des raisonnements de vieux garçons. Enfin, voilà, quoi, qu'est-ce que vous voulez. Oui. Et l'impôt sur le luxe, il est compris dans le prix ou quoi? Ah non, la circulaire n'en parle pas. Ce sera un oubli. Oh, dis donc, tiens, de cause d'oubli, ça me fait penser. J'avais oublié quelque chose. Dis-moi, syndic, l'autre soir, vous vous racontiez une histoire avec de ces airs mystérieux. Je suis arrivé qu'à la fin. Qu'est-ce que c'était? Quelle histoire? Mais oui, tu te rappelles, tu étais avec le sac, le gros boyu, et le gamin à Bismarck. C'était une histoire de syndic. Ça a été-tu un mois d'avril ou bien? Ah, l'histoire des trois syndics! Ailleurs, ailleurs! Oh, oh, oh. On sait que ça n'est pas une farce, pas plus, non. C'est une histoire, tout ce qu'il y a de plus authentique, est toute récente. C'est même pour ça qu'on en faisait mystère, parce que faudrait pas qu'elle aille à se savoir, hein. Le secret juré. Trois syndics réunis pour prêter la main sans s'en rendre compte à un filou qui vient dans la contrée voler le bois des honnêtes gens. Toutes les bonnes choses sont trois. Mais dis donc, comment ça s'est-il fini? Oh, le plus simplement du monde. Celui qui avait prêté son cheval n'a pas eu de suite, comme de bien entendu. Celui qui avait loué son attelage s'est bien étonné qu'on vienne de lui rendre sur les 1h du matin. Mais comme l'autre avait l'argent à la main, des explications plein la bouche, il n'a rien dit. Quant à l'acheteur du bois, il a bien fallu qu'il le rende. Oh, il n'a pas fait de manière. Et le voleur? Non, ça, c'est ma foi le plus mystérieux de l'affaire. On ne l'a jamais revu. Comment? La police ne l'a pas trouvé? Ah, elle l'aurait peut-être trouvé. Mais encore aurait-il fallu que la victime porte plainte. Et il ne l'a pas fait? Ah! Un homme comme ça, il n'aime pas les histoires. Il ne cherche pas la mort du pêcheur. Juste. Et puis, c'est comme vous disiez, Richard, il se pourrait bien tout réfléchir que ça ne soit pas très catholique d'acheter comme ça du bois sans avoir des autorisations. Ouais, il me semblait. C'est probablement ce qui s'est passé après coup, ce syndic-là. Ouais. Poison comme il sort dans ses offices de guerre, ils auraient encore été capables de lui poser des questions ennuyeuses pour son amour propre. Mais ce qui fait que grâce à cette complicité, le voleur a pu tranquillement conserver l'argent en produit de son vol. Eh bien, c'est révoltant. Ça prouverait, Jean, que tant qu'à faire, avec les gros bonnets, il vaut mieux les avoir dans son jeu que sur ses cornes. En s'adressant direct au syndic pour faire sa barbouillée, il a montré que s'il n'était pas honnête, il n'était pas son non plus. Eh bien, ton histoire, elle me fait penser à une presque pire que j'ai lue dans une almanach. J'avais pas à la croire, mais la tienne me donnerait tout vite confiance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du même. Pareil qu'une fois à Paris, deux hommes avaient fourgonné tout le matin autour d'une statue en bronze, en plein au milieu d'une place. Ils avaient tourniqué après, ils avaient poussé ici, tagnassé là. Bon. Au bout d'un moment, arrive une camionnette avec un troisième luron. Puis voilà mes trois gaillards en train d'essayer de charger la statue de la camionnette. Rien de fait, elle était trop lourde. Après qu'ils appellent les deux gardes de police qui se trouvaient dans la région. Et là, venez voir nous donner un coup de main pour remuer cette affaire. Les agents viennent, ils s'échinent à devenir comme des pivoines. Ils en viennent à bout et la statue, une fois chargée, la camionnette part, on l'a jamais revue. Pas possible. Mais alors, ces gardes de police, quelle couche ils en avaient. Ouais, mais non, mets-toi à leur place. De voir ces hommes travailler en plein jour devant tout le monde et les appelant pour leur donner un coup de main. Comment aurait-il voulu qu'il se passe une minute que c'était des voleurs? Ils les ont pris pour des employés de la ville chargés de nettoyer nettoyer les statues, puis tout est terminé. Ah ben, on n'est jamais trop poudre, n'est-ce pas? Ça prouve que pour faire un mauvais coup, il n'y a pas de meilleur appui que les honnêtes gens. Pour peu qu'ils soient un peu bobés par sur le marché, ceux qui arrivent ici et là, on peut compter sur eux pour le pire comme pour le meilleur. Santé. Conservation. À votre bonne santé, messieurs. Dis donc, à propos, Sadik, tu nous causais l'autre jour du fameux pète de morve. Ah oui, hein, tout mince, celui-là. Justement, la femme, quand j'ai raconté la tienne à son sujet, elle m'en a rappelé une autre qui est bien... Oh, elle était bien bonne aussi. Paraît qu'une fois, le pète avait entrepris de creuser un puits dans son pré, oui. Une idée comme ça qu'il avait. Faut dire que c'était bien commode, une fois qu'il avait eu fait un trou dans les 3-4 mètres de profond, il s'était arrangé une grosse pierre dans le fond, il s'asseyait dessus, puis hardé. Puis tous les tantôt, pendant que sa femme le croyait à l'ouvrage, le voilà parti pour un clopé de 2-3 heures, à l'ombre, au frais et tout. Bien à sa guise, quoi. Seulement sa femme a fini par trouver que c'était rue de Londres faire ce puits. Ce qui fait qu'un bel après-midi, la voilà qui s'amène en catimini. Heureusement que le bruit de ses pas réveille le pète, mais n'avait pas eu le temps de reprendre ses outils en main. Alors, c'est comme ça que tu travailles? C'est dommage qu'à la place de la langue, on ne t'ait pas mis un manche de pioche, ça irait tout seul. Et patati, et patata, quand une femme est sur le sujet, bien fou qui parierait d'y couper le sifflet avant qu'elle en ait eu son compte. Seulement quand elle a eu fini le petit fait, écoute. Écoutez quoi? Écoute que je te dis, tu n'entends rien? Forcément, avec tes cyclés, tu leur auras fait peur. À qui faire peur? Est-ce que tu vois les belettes ou si tu les entends? Pas les belettes, mais moi je te dis que je refuse de creuser plus profond. Pas un mètre de plus que je creuse. Oh non! De là où je suis arrivé, j'entends déjà causer les peaux rouges, comme si j'y étais. Oh, c'est quand même comique qu'il y ait comme ça dans chaque village. Un de ces fins de bec, avec réponse à tout. Toutes les rubriques et tout. Hein. Ce sont en général pas les plus travailleurs. Non, mais pas non plus les plus malheureux. Ouais, non. Il ne resterait plus au village qu'une miette de contentement qu'elle serait pour eux. Parce qu'ils savent trouver le contentement où ils laissent sans trop faire les difficiles probables. Tellement voilà, eux, ça va. Mais il vaut mieux qu'ils n'aient pas femme et enfin, parce qu'à l'heure du plaisir, il n'en reste pas pour la famille. Ah, tu as raison, syndic. Tu te rappelles du père aux têtes? Cramoisi. Juste. Ah, avec ce nom-là, je crois pouvoir deviner de quel genre d'homme il s'agissait. Ouais, c'était un saoulant. Oh, pas mauvais pour vous. Toi, quand il avait bu, il n'était pas approché. Ouais, mais enfin, quand il n'avait pas bu. Peut-être bien, seulement dommage qu'à lui, ça n'a jamais arrivé. Enfin, bref, le jour où il est parti, ça a été un rude soulagement pour le village, puis surtout pour sa femme. Cette pauvre Olympe. Elle en aura-t-il vu avec ses tarsouilles de même montée. Mais alors, pour se venger, on peut dire qu'elle s'est vengée, alors. Après? Ça, oui. Et puis, finement. Comment donc? Eh ben, vous n'avez qu'à aller au cimetière et vous verrez. On ne savait pas pourquoi elle tenait tant à y mettre une pierre sur la tombe cramoisie. Pauvre comme elle était, c'était bien de la dépense. Ouais. Elle est bien brave quand se perçait. Mais alors, quand on a vu la pierre, on a compris. Je crois bien qu'on n'a jamais autant dit. Et qu'est-ce qu'elle a donc, cette pierre? Le verset. Uh-huh. Elle a mis « Ton départ nous brise, mais ton souvenir nous reste. » Ah, les vengeances, c'est un flot qui se mange froid, c'est le cas de dire. Ah, du reste, avec le cramoisi, on n'a jamais su au juste qu'il faisait exprès quand il faisait le malin. Bien sûr que non, qu'il faisait pas exprès. Il était plutôt gnagnou. On riait de misère le plus souvent. Oh, alors, c'était que sa langue fourchait. Comme cette affaire avec la lolotte que mon père m'a eu causée. Quoi ça? Oh, je la connais pas, moi. Mais où tu l'as connue, la lolotte? C'était la femme au camp. Là, quand 14 trouve mobilier conseil général comme le syndic d'Alonce, qu'on demande une baie pour l'habiter, la lolotte peut faire le travail de son homme, mais pour sonner la cloche le dimanche matin, n'est pas de force. Bon, mon cramoisi. Je le syndic n'est que l'affaire, moi je veux bien me charger de sonner lolotte tous les dimanches matin pendant que son homme n'est pas là. Thank you. Thank you.